Deux jours se sont écoulés depuis l'arrestation du père Poirier. La nuit est noire. Un ouragan mêlé de neige et de grêle mugit au dehors et ébranle la porte de la maison de Sylvain. La grande chambre est faiblement éclairée par une petite lampe à bec de cuivre. Jeanne, entourée de ses enfants, est courbée dans son lit, mourante. Oui, mourante. La terreur, le désespoir, les fatigues de son voyage à Orléans entre deux gendarmes, à pied, dans la boue, par une humidité glaciale. Enfin, les rigueurs de la prison ont porté un coup mortel à cette malheureuse femme qui se trouvait dans un état de grossesse avancée. Le père Poirier ne s'était pas trompé dans ses soupçons. Sylvain, averti par son fils de l'arrestation de Jeanne, avait quitté la marnière des Bois de Mareuil afin d'aller se constituer prisonnier à Orléans et de faire ainsi mettre en liberté la mère de ses enfants. S'appuyant de chaque main sur un bâton, se traînant plutôt qu'il ne marchait, forcé de s'arrêter 100 fois en chemin tant il souffrait cruellement de sa blessure, Sylvain, soutenu par l'héroïsme de son dévouement paternel, parvint à sortir des bois et à atteindre la grande route d'Orléans. Mais là, sa blessure se rouvrant, il perdit son sang en abondance, chancela, tomba épuisé au bord de la route et sans connaissance. Un voiturier passait, c'était Ratapoil. Ce garçon, beaucoup plus bête que méchant, et qui n'était pas aviné ce jour-là, trouvant Sylvain évanoui au pied d'un arbre, eut pitié de ce malheureux, le secourut, le fit revenir à lui, le releva et le plaça sur sa charrette. À son grand étonnement, Sylvain le supplia de le conduire à la prison d'Orléans. « Mais malheureux !» s'écria Ratapoil. « Tu vas te faire pendre ?»« Sois tranquille, » répondit le mari de Jeanne. « Je sais ce que je fais. » « À la bonne heure, » dit Ratapoil. Et il se dirigea vers Orléans. La voiture fut rencontrée aux environs du village de Saint-Mesmin par une patrouille de gendarmerie. L'officier, à la vue d'un homme blessé étendu dans cette charrette, la fit arrêter afin d'interroger ce blessé qu'il soupçonnait d'avoir pris part à l'insurrection. Sylvain fit les aveux les plus complets, demandant seulement en grâce que sa femme fût rendue à ses enfants puisqu'il venait se livrer lui-même. L'officier crut pouvoir prendre sur lui de promettre à l'insurgé la liberté de Jeanne s'il n'y avait contre elle aucune charge. La charrette, escortée par les gendarmes, arriva bientôt à la prison d'Orléans où l'on transporta Sylvain, incapable de marcher. Ratapoil croyait s'en retourner avec sa charrette, mais à la grande stupeur de son ardent bonapartisme, Ratapoil fut incarcéré comme complice de l'évasion d'un insurgé. Et il eut beau crier « Vive l'empereur !» à plein gosier, vouloir justifier de la ferveur de ses opinions, on lui répondit que le conseil de guerre déciderait de son sort. Le lendemain de l'arrestation de Sylvain, et selon la promesse de l'officier, Jeanne fut mise en liberté. Elle s'informa du sort réservé à son mari. Elle apprit que s'il n'était pas guillotiné comme assassin prévenu d'avoir riposté au feu de la troupe, il serait certainement transporté à la Guyane, ou en Algérie. Jeanne, grosse de 7 mois, brisée par le chagrin, par les insomnies de 2 nuits de prison passées au milieu des angoisses que lui causait la pensée de ses enfants pour la première fois séparés d'elle pendant si longtemps, Jeanne était déjà cruellement frappée. Mais en entendant ces mots affreux, échafaud ou transportation, c'est-à-dire la mort ou l'exil de Sylvain, Jeanne, foudroyée, tomba sans mouvement. Et, atteint du même coup, l'enfant qu'elle portait dans son sein mourut avant de naître. L'infortunée, revenue à elle après d'horribles convulsions, demanda, suppliante, la faveur suprême de voir son mari. On lui répondit que cela ne se pouvait point avant le jugement en vertu duquel Sylvain serait guillotiné ou transporté. Ce refus essuyé, n'espérant plus, quel espoir, n'espérant plus revoir son mari, que la veille de sa mort ou de son départ pour l'exil, Jeanne n'avait plus qu'un désir, qu'une consolation possible, la présence de ses enfants. Elle quitta en hâte Orléans afin de retourner chez elle. Il lui fallait parcourir environ 6 lieues sous une pluie battante, mêlée de givre et de grêle, à travers une route détrempée par la neige à demi fondue. Le jour allait bientôt finir. La vaillante mère partit. Elle partit en proie à une fièvre brûlante. Elle sentait, comme on dit, que l'enfant qu'elle portait ne remuait plus. Hélas, ces pulsations intérieures, annonçant la prochaine naissance de l'innocente créature qui aspire à la vie, ne faisaient plus de leur doux choc battre délicieusement le cœur de Jeanne. Non, elles avaient cessé. Des souffrances leur succédaient, souffrances d'abord sourdes, puis aiguës, puis déchirantes. Souvent Jeanne trébucha, défaillante, sur la route, le front baigné d'une sueur froide. Alors, s'appuyant à un arbre, elle comprimait sous ses mains crispées ses flancs maternels palpitant d'une douleur atroce. Puis, tombant à genoux, elle reprenait haleine, ramassait un peu de neige dont elle étanchait sa soif dévorante, et se relevait toujours courageuse en disant « L'enfant que je porte est mort, mais il m'en reste trois qui vivent, je le crois du moins. Pourvu, mon Dieu, que Dominique n'ait pas joué avec le feu et qu'il ne lui soit point arrivé malheur. » Elle se remettait en marche. L'une des préoccupations constantes de cet infortuné dans sa prison avait été cette épouvantable crainte que son Dominique ne fût brûlé vif en jouant avec le feu. Non que Marie manquât de sollicitude, pensait Jeanne, mais seule à la maison, elle avait à soigner le vieux grand-père et les deux enfants. Elle ne pouvait veiller à tout à la fois, et un malheur est si vite arrivé. Ainsi bourrelée par les angoisses, ainsi torturée par les souffrances de plus en plus vives, la femme de l'insurgé poursuivait son chemin. L'un de ses sabots se fend, éclate. « Tant mieux, se dit-elle, j'irai plus vite. » Elle jette loin d'elle l'autre sabot, et seulement chaussée de ses bas, elle continue sa route durant plusieurs lieues dans la neige à demi fondue par une pluie glaciale. Jeanne traversa le village de Layé. Elle n'était plus qu'à une demi-lieue de sa demeure. Quoique la nuit ne fût pas encore très avancée, on n'apercevait dans les maisons aucune lumière. Tout était sombre, morne, silencieux. La terreur inspirée par le passage de la colonne mobile planait encore sur ce pauvre village. En passant devant la paroisse, Jeanne songea que dans cette église, elle avait épousé Sylvain, que dans cette église, ses enfants avaient été baptisés. Ce retour involontaire sur elle-même lui rappela les modestes fêtes rustiques du mariage et du baptême, les joies de la famille qu'elle égayait par son riant naturel. Elle était si gaie, Jeanne, en ces temps-là. Oui, et maintenant, pour le père, pour l'époux, c'était l'exil ou l'échafaud. Pour la femme et pour les enfants, c'était la misère, c'était l'abandon, c'était les souvenirs désespérés ou les rêves sanglants. Sylvain devait être à jamais enchaîné à la terre d'exil, là-bas, là-bas, au-delà de l'immensité des mers, en ces pays mortels d'où l'on ne revient plus. Ou bien, ah, sa tête roulerait dans le panier rouge de la guillotine. Et pourtant Sylvain avait été honnête homme jusqu'à la fin. Jeanne, sans se mêler de politique, sentait bien qu'aimant père, femme et enfant, comme il les aimait, c'était autant par devoir que par affection pour sa famille que son mari avait pris les armes. « La République est l'héritage de nos enfants, » disait Sylvain. Et Jeanne comprenait la portée de ses paroles. Mais en pensant à la ruine de tant d'espérance, à ce contraste horrible du présent et du passé, rappelé à son souvenir par la vue de l'église, le cœur de Jeanne se brisa. Elle fondit en sanglots. Elle n'avait pas pleuré depuis son départ d'Orléans. Ses larmes d'abord la soulagèrent, mais bientôt ses souffrances physiques devinrent plus poignantes encore, devinrent si poignantes, si intolérables, qu'au milieu de cette nuit et de ce silence, Jeanne cria de douleur. Elle cria, elle si résignée, elle si vaillante, et un moment elle crut qu'elle allait mourir. Mourir? Non, pas encore. Une mère comme elle ne veut pas se résigner à la mort avant d'avoir revu ses enfants, et tant qu'il lui reste un souffle de vie, tant que les déchirements de son âme et de son corps lui prouvent qu'elle existe, elle va là où ses enfants l'appellent. Elle va comme elle peut, la pauvre mère. Incapable de marcher, elle se traîne. Elle rampe sur les genoux, sur les mains, mais elle va. Cependant, malgré son courage, Jeanne, après ce cri de douleur atroce arraché de ses entrailles, se sentit anéantie, incapable de faire un pas de plus. Elle tomba sur ses genoux, et elle n'était qu'à une demi-lieue de sa demeure. « Je ne veux pas mourir ici, » se dit Jeanne en se relevant à grand-peine. « Ah non, je ne resterai pas en route, je reverrai mes enfants. » Elle se souvint alors de la marraine de Dominique, bonne et digne femme, boulangère de son état, et dont la maison se trouvait sur la place de l'église. « Je vais aller chez Madeleine, » pensait Jeanne. « Je m'y réchaufferai, je m'y reposerai pendant un quart d'heure, je reprendrai des forces, et je pourrai ensuite arriver jusque chez nous. » Elle parvint à se traîner jusqu'à la porte de Madeleine. Aucune lumière ne brillait au dehors du logis. « Ils sont couchés ?» se dit Jeanne. « Frappons toujours. » Elle frappa. « Qui est là ?»« C'est moi, Jeanne. Je suis bien fatiguée. Ouvre-moi, Madeleine, je n'en puis plus. »« Va-t'en, n'approche pas de la maison. Tu nous feras arriver malheur à tous. » »« Madeleine, laisse-moi, pour l'amour de Dieu, seulement me réchauffer, me reposer un instant chez toi. » Veux-tu t'en aller, mon Dieu? Veux-tu t'en aller? Les gendarmes n'ont qu'à passer te voir à notre porte et nous serions perdus. Madeleine, aie pitié de moi. Je te demande un quart d'heure de repos, rien qu'un quart d'heure. Va-t'en, tu serais ma sœur que tu n'entrerais pas chez nous. Va-t'en. La douleur physique et morale, arrivée à sa dernière exaltation, offre parfois des phénomènes étranges, effrayants. À la guerre, on a vu des hommes mortellement blessés se relever soudain et combattre avec acharnement, redoublant d'énergie, de furie, à chaque blessure nouvelle, répondre à chaque coup par un élan désespéré, puiser enfin une force surhumaine dans la rage de leur agonie et expirer après une lutte prolongée presque au-delà des limites du possible. On a vu, à la chasse, des bêtes fauves mortellement atteintes, perdant leur sang, parcourir avec une rapidité vertigineuse de grands espaces afin de regagner le repère où gîtaient leurs petits. Mais qu'est-ce que le courage du soldat? Et qu'est-ce que l'instinct de la bête fauve auprès du courage et de la tendresse de la mère? Jeanne, repoussée de l'asile momentané qu'elle implorait, éprouva une sorte de commotion électrique. Elle se redressa brusquement. Cette femme, naguère anéantie par la fatigue, par la souffrance et hors d'état de marcher, cette femme trouva soudain la force de courir vers sa maison où l'appelaient ses enfants. Course fébrile, haletante, furieuse, folle, pendant laquelle Jeanne retint, pour ainsi dire, sa vie, prête à lui échapper. Elle courut donc d'un trait jusqu'à sa maison. À la porte, elle frappa, elle se nomma. Marie vint ouvrir. Jeanne se précipita dans la chambre en criant « Ah, mes enfants !» Et puis elle tomba. Elle n'aurait pu faire deux pas de plus. Les enfants de Jeanne la mirent au lit. Des secours, on ne pouvait ni en demander ni en attendre durant ces jours de troubles et de guerre civile. La maison se trouvait d'ailleurs très éloignée du village. Enfin, l'accueil inhospitalier de Madeleine montrait assez qu'il régnait une telle épouvante dans le pays que personne, ni homme ni femme, n'aurait osé mettre les pieds dans la maison de Sylvain après l'arrestation de sa femme, de Petit Jean et du père Poirier. Jeanne, à peine arrivée chez elle, accoucha d'un enfant mort. Cet avortement, ses causes et ses effets, eurent des suites funestes. Épuisée par le sang qu'elle perdait, incapable de quitter son lit, la malheureuse mère dut, de ses mains, pieusement ensevelir dans l'un des langes préparés pour elle avec tant d'amour, ensevelir cette innocente créature morte avant de naître. La malheureuse mère dut encore, faute de prêtre, de cimetière et de fossoyeur, prier Marie d'aller enterrer l'enfant en un coin du jardin, dans une petite fosse creusée par Pierre. Oh, ce fut quelque chose d'affreux pour Jeanne, pour son fils, pour sa fille, que cet ensevelissement, que cet enterrement nocturne dans ce lieu désert. Oui, ce fut affreux. Et vous, madame, qui peut-être lisez ce livre, au milieu de vos enfants bien-aimés, qu'un époux cher à votre cœur contemple avec joie et tendresse, songez, hélas, songez que ce n'est pas seulement une famille, mais des milliers de familles d'insurgés qui, dans notre pays de France, ont souffert et souffrent des malheurs irréparables. Jeanne, depuis le moment où elle a donné le jour à un enfant mort, est donc alitée. La nuit est venue. Au dehors de la maison, mugit l'ouragan chargé de neige et de grêle. Au-dedans, la petite lampe de cuivre prête à s'éteindre éclaire faiblement cette grande chambre. Le foyer est froid et noir. Jeanne, couchée dans son lit, a fait transporter près d'elle le berceau du petit Dominique. Il dort. Son sommeil est souriant. Pierre et Marie, sur pied depuis deux jours, se sont tellement empressés autour de leur mère pour lui donner leurs soins, ils ont tant pleuré, qu'épuisés par les larmes, que brisés par une fatigue et des émotions au-dessus de leur âge, ils ne peuvent plus se tenir debout. Malgré la douleur, malgré les craintes que leur cause la maladie de leur mère, maladie qu'ils ne croient cependant pas mortelle, ils ont peu à peu, involontairement, cédé au besoin d'un sommeil réparateur, besoin impérieux, irrésistible à cet âge. Pierre, assis à l'extrémité du lit, est profondément endormi. Marie a placé un escabeau près du chevet de sa mère, et cédant aussi un invincible besoin de sommeil, elle appuie son front au traversin où repose la tête de Jeanne agonisante. Son beau visage, à cette heure d'une blancheur de cire, commence à se marbrer de taches livides. Ses lèvres, d'où s'échappe à de longues intermittences un souffle brusque, haletant, ses lèvres deviennent violettes et froides. Ses yeux demi-clos sont fixes et vitreux. Soudain, elle les ouvre de toute leur grandeur. Ses traits se contractent. Ils prennent une effrayante expression de haine. Elle lève à demi sa main droite, qu'elle tâche de fermer, comme si elle voulait montrer le poing à une vision qui surgit au milieu du délire de son agonie. Ses dents se serrent, puis elle balbutie d'une voix éteinte. Scélérat. Oh, cet homme, si je pouvais, mon Dieu, oh, cet homme, je... Elle n'achève pas. Un râle sourd et rauque soulève une dernière fois sa poitrine. L'heure suprême a sonné. Jeanne sent la mort venir et s'écrie expirante. Mon pauvre Sylvain, mes enfants. Pierre, plongé dans un sommeil profond, ne peut répondre à ce faible dernier appel de sa mère mourante. Marie, placée plus près de Jeanne, a entendu sa voix, s'éveille à demi, fait un léger mouvement pour relever sa tête appesantie, et murmure machinalement « Oui, maman. » Puis elle se rendort. Jeanne agite imperceptiblement ses lèvres. Sa tête s'incline lentement sur son épaule, du côté de la muraille. Jeanne meurt. Jeanne est morte. Bientôt la flamme de la petite lampe, depuis longtemps vacillante, s'éteint. Le feu du foyer aussi est éteint. Les ténèbres envahissent cette chambre mortuaire. Et lorsqu'au dehors l'ouragan cesse par instant de mugir et d'ébranler la porte, on peut entendre, au milieu du silence de la nuit, la respiration douce et paisible des trois enfants endormis auprès du cadavre de leur mère. L'extrême fin de ce récit se lie à l'épisode suivant. Louise, ou la famille du bourgeois transporté.